on est pas loin d'aller se coucher. Hein. C'est comme ça. En tout cas, c'était bien. Hein, pour moi, c'était bien, en tout cas. Alors bon, on va en profiter, tiens, pour présenter un peu tous ces passagers clandestins. À la batterie. Monsieur Romain Di Loreto. Ça rime. Il serait pas un peu connu dans le coin, lui? À la flûte, aux flûtes. Et au cœur, Émilie Salata. Monsieur Stéphane Mombel. Et au chant, harmonica et petites percussions en tout genre. Et oui, j'ai oublié de dire percussions aussi, mais Johanna Bertrand. Morceaux, bah, figurez-vous qu'ils sont sur un CD qu'on vend à la modique somme de 10 euros. Merci. Vous pouvez aussi les réécouter sur internet et le premier album est en téléchargement libre sur www.jamendo.fr si vous voulez aussi. Voilà. On peut applaudir très fort notre sonorisateur de ce soir. Oui, Patrick. Applaudissez Patrick, je l'ai oublié. Je suis désolé, Patrick. Mais. Comme je l'ai oublié, on va l'applaudir une seconde fois parce que c'est aussi lui qui a fait les lumières. Eh oui. Alors, donc, on va finir avec une chanson qui s'appelle « J'en ai vu ». Mais alors, pour cette chanson, je vais avoir besoin de vous pour chanter à la fin une bonne chorale. Bonne chorale. Alors, on va répéter un peu avant pour être sûr que ça passe bien. Hein. D'accord ? Alors, les paroles sont très simples, c'est « la la la la la la la la la la ». La la la la la la. Il y en a qui connaissent. C'est noté? Alors, on va vous montrer ce que ça donne. La na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Alors oui, je me suis trompé un peu, c'est pas la la la la, c'est na na na na. Ça va aller quand même. Ah, ça dépend lesquelles versions, parce qu'il y a la version originale, enfin bref, c'est tout un mix. Vous êtes prêts? À vous! Na na na na na na na na na na na na na na. Vous avez répété ou quoi? C'est pas trop mal. Alors, il y a un côté qui est meilleur que l'autre, mais je dirais pas si c'est pas bon ou tribord. Merci, maman. On va voir tout à l'heure, on va noter. Cette chanson s'appelle donc J'en ai vu. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous allez essayer de deviner ce que je suis dans cette chanson. Il faut élever le doigt si vous avez trouvé. Merci beaucoup, merci de votre attention. J'en ai vu des jeunes premiers se curer dans Aîné, me disant ce soir, mon pote, tu vas toutes les faire tomber. Ouais. J'ai vu quelques grands-mères qui tentent événement de cacher les cratères causés par tant de temps. J'ai vu des hommes pressés avec mallette et sans tact qui jetaient juste un coup d'œil pour ajuster leur cravate. J'en ai vu. Des fois, il y avait des gamins qui me soufflaient dessus et dessinaient sur moi des croquis. Incongru. Plus tard venait une femme qui m'inspectait dépité au chemin de tête et songe avant de passer l'éponge. Il y avait aussi ce bonhomme qui voulait pas me regarder avec son bec de lièvre et son gros corps voûté. J'en ai vu. Des fois il y avait des bagarres où les plus nombreux gagnaient, partant avec quelques cocards, laissant les autres crever. Et j'ai même assisté aux ébats en direct dans mes deux femmes bourrées m'exhibant leurs conquêtes. Ouais, j'en ai vu des trucs et pas toujours très drôles, mais je suis resté tel quel. Après tout, c'est mon rôle. Un jour, une fille s'est posée devant moi, larmes plein les pupilles, pleurant à grands éclats. Son visage était placé comme une fleur fanée, et son phare coulait, dessinant des tranchées. Elle m'a dit, mais regarde dans quel état tu te mets, pour un sale enfoiré qui s'est même pas aimé. Les mecs tous des enflures, puis t'es vraiment trop moche, c'est pour ça qu'il t'a largué, t'es qu'une pauvre comme ma vieille. Moi, j'aurais voulu lui dire que c'était loin d'être vrai, qu'elle était même bien jolie avec ses mèches qui tombaient. Mais là, elle m'a frappé de son poing tout crispé. Et là, elle m'a brisé sous ses doigts ensanglantés. Et puis, elle est partie. Et alors, j'ai compris que la vie d'un miroir, c'est trop dur à gérer. Dans le reflet de vous-même, de vous tous, sans jamais pouvoir venir à votre rescousse. Vos fiertés, vos tristesses, vos angoisses, vos complexes, vos manies, vos manières, pour une glace perplexe. Alors finalement je me préfère en morceaux de verre. Je préfère me faire le mur plutôt que d'y rester collé, instant votre image, ou plutôt le contraire, subissant le passage d'un monde que je ne comprends guère. Ça va être à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes prêts?